Bande de putain de sale. Qu'est-ce qui se passe, les petits garces? Maintenant je rentre sur l'instru, je suis efficace. Je dédicace au neuf un bande de putain de pute. C'est sans problème, je vais prendre vos fesses à chaque texte pour son open. Je suis le Jacques Brel des temps modernes. Même le fils de Nicolas Sarkozy kiffe trop ma saloperie. Je suis un pyromane scatophile. Je pisse à l'arrêt ceux qui nous chient dans les bottes que je fournis. Sans les blocs, mon groupe vit dans les sommes. À Fleury, les tout petits rentrés sortent. Je suis en mode Tupac. Si je meurs, t'auras pour 10 ans de récolte. Exact. Y'a des grossistes à l'appel et aussi de la maquerelle. Compte joli, sac Chanel pour la maudite bagatelle. 9000 œufs, saucisse Gargamel. Espérant être plus heureux dans une autre vie parallèle. J'ai le profil à Jacques Brèche, terroriste, un gazelle. Au chromis, j'vomis le caramel. Bande de putain de sale pute. Allez tous vous faire enculer, amputer d'un bras ou d'une jambe. Moi dans ce bas monde j'ai tant sué. Vous ne saurez jamais tout ce que j'ai enduré. J'ai essayé de prendre du blé sans succès. Maintenant sucez, 91% de pureté. Alka va pas vous entuber. Retire le cran de sûreté. Je suis censuré, encaisse dans le buffet. Je suis tellement puté, tant de fois drogué. Je sens que je dois me stopper avant de m'empoisonner. Le bonheur m'envoie promener. Je veux que ma femme et mes parents me voient en paix. Et porter des chemises en soie brodée. C'est pour mes voleurs sans emploi paumé. Ainsi que tous les chômeurs qui ont emploi rodé. Quoi qu'il en soit, je promets ma loyauté. Vous ne saurez jamais vraiment comment je vois ce projet. Bande de putain de sale pute.